Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Si vous entendez soudain surgir autour de vous cette expression « épif et pif et paf et paf », il y a de fortes chances pour qu'elle provienne d'un admirateur de Jacques Offenbach, un artiste qui voulait que l'on aille dans les bons théâtres, pas ceux où l'on s'embête. La vie parisienne, pas seulement, les fables de La Fontaine aussi, étaient au menu de l'épisode de la série de grands musiciens que proposait Laetitia Leguet le 29 décembre 1998 sur France Culture. Du plaisir à perdre haleine, voilà, voilà la vie parisienne. Et pif et pif, et pif et pouf. Deuxième volet de notre semaine Offenbach, aujourd'hui, la gaieté parisienne. Au printemps 1875, Offenbach reçoit la visite d'un certain Baquero, un impresario qui vient lui proposer une tournée à Philadelphie et New York. Il s'agit d'une série de concerts de ses propres œuvres à diriger lui-même pour les fêtes du 100e anniversaire de l'indépendance. Offenbach déteste les impresarios. Il pense d'abord flanquer le bonhomme à la porte. Et puis, comme la somme proposée est rondelette, finalement, il accepte. Il faut dire que la proposition tombe à pic. Il vient d'essuyer de gros revers financiers à la tête de la Gaîté Lyrique. Il a dû abandonner la direction du théâtre, tout liquider et louer sa chère villa d'Étretat. Même la reprise d'Orphée aux Enfers, qui a toujours le même succès, n'a pas suffi à combler les trous. Le 21 avril 1876 donc, Offenbach s'en va. Première étape, la gare Saint-Lazare jusqu'au Havre. Ensuite, la traversée de l'Atlantique. Enfin, New York, qui lui fait un accueil triomphal. Les New-Yorkais ont accroché une grande banderole, « Welcome Offenbach ». Il y a sur le quai une meute de reporters, et la foule applaudit. Offenbach d'abord est ravi. Et puis, assez vite, Paris lui manque, malgré l'animation de Broadway, malgré les découvertes du téléphone ou de la lumière électrique. Mai 1876, lettre à Ludovic Halévy, le librettiste et l'ami de toujours. Mon cher Ludo, avec toutes mes occupations, répétitions, représentations, ovations, il me faudrait 48 heures par jour pour faire ce que j'ai à faire. Hélas, le bon Dieu jusqu'à présent ne m'en a octroyé que 24. Quelle belle ville que New York! Quelle belle femme, quelle belle promenade, quelle belle crotte quand il pleut, c'est superbe tout cela! Mais, ah, mon joli Paris, mes chers boulevards, mes adorables théâtres, où êtes-vous? Un peu plus tard, nouvelle lettre. New York, ville splendide, mais quel drôle de pays! Et la liberté donc! Tout le monde est libre, mais libre dont on ne se fait pas une idée en France, tellement libre que le dimanche, il est interdit de prendre un verre de bière ou un petit verre de cognac au café ou ailleurs. Dimanche, on a fourré 230 garçons de café en prison, parce qu'ils croyaient, avec la grande liberté qui existe ici, pouvoir servir leurs clients. je viens de fournir un métier bien dur, conduire 30 concerts de suite. Comme je serai content quand je reverrai mon cher Paris, et ma famille, et mes amis, et tous, comme au théâtre. Après New York, c'est Philadelphie. Offenbach dirige entre autres des extraits de La Grande Duchesse de Gerolstein dont nous venons d'entendre l'ouverture. Enfin, en juillet 1976, il rentre à Paris. À chaque retour de voyage, il retrouve la joie qu'il avait éprouvée à 11-12 ans quand il était arrivé pour la première fois. Il était né à Cologne, il avait commencé très jeune le violoncelle et très vite il avait donné des concerts dans les cafés avec ses frères et sœurs. Jusqu'au jour où le père Offenbach avait jugé que Cologne était une ville sans avenir pour sa progéniture et où il avait installé ses deux fils à Paris. C'est de cette façon qu'Offenbach se retrouve à 12 ans, seul avec son frère Julius, dans une mansarde de la rue des Martyrs. De là, il dévale les rues pour se promener. L'un des endroits les plus animés en 1830 est le boulevard du Temple, un lieu populaire avec des bals, des théâtres de vaudeville, des cafés-concerts. C'est dans l'un de ces cafés qu'Offenbach est joué pour la première fois. Le Café Turc, l'un des cafés les plus en vogue du boulevard du Temple. Et ses valses plaisent. Offenbach a 18 ans, il a de l'aplomb, de l'humour. Il décide de profiter de son succès pour faire sa propre publicité dans la presse. D'où des entrefilets du style. Monsieur Offenbach compose régulièrement 3 valses avant son déjeuner, une majourque après son dîner et 4 galops entre les 2 repas. Ce jeune prodige nous prie d'annoncer qu'il vient de perdre un mouchoir blanc sur lequel il avait griffonné le manuscrit d'une valse. Une récompense honnête à qui le trouvera. Thank you. Le Paris de 1830 est un Paris où l'on danse, au Café Turc en été, au Concert Saint-Honoré en hiver. C'est aussi le Paris des salons. Il suffit de penser à Chopin, à Georges Sand, à Liszt ou à Rossini. Avec un ami allemand, pianiste, déjà introduit, Offenbach décide de partir à la conquête du beau monde. Et il a tout de suite du succès. D'abord parce qu'il joue très bien, on le surnomme le Liszt du violoncelle. Mais aussi parce que sa silhouette fait rire. Il mesure 1m73, ce qui est plutôt grand pour l'époque. Il est maigre, il a un cou très long, des cheveux en crête de coq, des yeux qui pétillent et un lorgnon qui a l'air de faire partie de son visage. En plus, il fait le pitre. Avec son violoncelle, il imite la cornemuse, le mirliton, des cris d'animaux. C'est à cette époque qu'il met en musique les fables de La Fontaine pour amuser le public. Maître Gourmand sur un arbre caché tenait en son bec un fromage. Un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Ce langage. Et bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Paris, c'est donc les salons où Offenbach se taille un franc succès. C'est aussi le boulevard du Temple, quartier des réjouissances populaires, mais c'est surtout le boulevard, autrement dit le boulevard des Italiens. Le tout Paris se croise au café anglais ou au café Tortoni, et les théâtres sont à deux pas. L'opéra, l'opéra comique, les bouffes parisiens, beaucoup d'autres encore. Offenbach a toujours habité dans le quartier, et il a ses habitudes. Après le spectacle, il dîne chez Dino Show, le restaurant où se retrouvent les auteurs et les comédiens. C'est là qu'un soir, il fait la connaissance d'Hortense Schneider, qui sera l'une de ses meilleures interprètes et une figure emblématique du Second Empire. Chaque jour aussi, Offenbach déjeune sur le boulevard, chez Brébon ou chez Peters. Son menu est toujours le même. Un œuf à la coque, une côtelette d'agneau dont il ne mange que la noix, un gros cigare et deux ou trois tasses de café. Quand il sort, il croise sur le pavé les Parisiennes, si joliment croquées dans le fameux air de Gabriel de la vie parisienne. On va courir, on va sortir, sortir à pied, pas en berline. Sola La vie parisienne est l'une des œuvres les plus enchanteresses d'Offenbach, par son allant et par sa fantaisie. Les personnages sont tous loufoques. Le baron de Gondremarck qui débarque de Suède pour s'enfourrer jusque-là et dont l'habit finalement craque dans le dos. Raoul de Gardefeu qui se moque de lui en lui faisant croire qu'il est un guide professionnel et que sa demeure est un grand hôtel. Ou encore le Brésilien, un riche nabab qui débarque à Paris avec son or pour faire une orgie de jeux, de danse, de petites femmes. L'histoire imaginée par Meillac et Halévy va de cocasserie en cocasserie. Il y a des domestiques déguisés en mondains, un pseudo-banquet ou encore un mari qui croit aller à un rendez-vous galant et qui se retrouve nez à nez avec sa femme. Tout est sous le signe du plaisir et surtout pas de l'ennui. C'est bien ce que précise d'entrée de jeu le baron quand Raoul de Gardefeu lui demande ce qu'il veut voir. « Tout !» répond le baron. « Les cafés, les théâtres, oui !» Mais passeuses où l'on s'embête. Moi je voudrais voir les théâtres, passeuses où l'on s'embête, mais ce sont des actrices folâtres, offre ton regard filâtré. Soit tu sais, nous irons là, et vous verrez tout cela. Et toi vraiment, nous irons là, oui, vous verrez tout cela. Je vais moi dans la capitale, voir les démons qui font fureur, voir la patrie dans l'on passe. Madame, oui, nous irons là, et vous verrez tout cela. Et quoi vraiment, nous irons là. Oui, vous verrez tout cela. Vous verrez tout cela. Dans la ville splendide, et nous irons partout, nous visiterons tout. Ah, je serai votre guide, oui, je serai votre guide, vous serez notre guide. Je serai votre guide dans la ville splendide, et nous irons partout, nous visiterons tout. Je serai votre guide dans la ville splendide. Il est certaines choses que je voudrais voir. Car mon bras, sur ce point, il faut et pour cause que ma femme n'entende pas. Ah, vous êtes un gros farceur. Oh, c'est en tout bien, tout honneur. Deux ou trois courses à faire, seules. Parlons-en, sur ce point, il est nécessaire que mon mari n'entende pas. Et la parole me fait peur. C'est un tout bien, tout en bas. Ne craignez rien, vous direz bien. Allez, allez, vous en verrez plus fort que. Notre guide dans la ville splendide, et nous irons partout, nous visiterons tout. Ah, je serai votre guide. Ah, je serai votre guide. Vous serez notre guide. Je serai votre guide dans la ville splendide, et nous irons partout, nous visiterons tout. Je serai votre guide dans la ville splendide. Vous serez notre guide dans la ville splendide. La vie parisienne a été commandée à Offenbach par le théâtre du Palais-Royal, ce qui pose un problème. La troupe du Palais-Royal est une troupe de comédiens, pas du tout de chanteurs professionnels. Offenbach accepte pourtant à une condition. Il impose la soprano Zulma Bouffard, pour qui il a un faible. Il s'arrange pour caler le rôle le plus long possible, il rajoute même des mesures pendant les répétitions. Pour le reste, pour limiter les dégâts, il s'impose professeur de chant. Pour se faire une petite idée de ce qu'a pu être la vie parisienne à l'origine, par des acteurs et non par des chanteurs, il existe un enregistrement, celui du spectacle donné en 1959 par la compagnie Renaud Barreau. C'est cet enregistrement que je vous propose d'écouter maintenant. Vous allez l'entendre, l'effectif instrumental est restreint, comme le voulait Offenbach. On est loin des orchestres symphoniques trop lourds qu'on entend quelquefois. Quant aux interprètes, la brochette est jolie, Jean-Louis Barrault est le Brésilien, Madeleine Renaud la Baronne, Jean de Sailly garde-feu, Simone Valère Gabriel et Pierre Bertin le Baron. Oh, elle est très jolie la Suédoise. Ah, attention, voici le mari. Ah, c'est très bien ici, c'est très bien. Mais dites-moi, vous m'avez dit que j'étais au Grand Hôtel. Il est tout petit, cet hôtel. Bah, c'est-à-dire que, déjà, vous êtes dans un des petits hôtels du Grand Hôtel. Ah, bon, mais dites-moi, il y a un de mes amis, le baron de Frascata. Le baron de Frascata? Qui a connu à Paris une jeune dame qui jouait la comédie, une certaine Metella. Oh. Et il m'a donné une lettre de recommandation pour elle. Vous lui ferez parvenir cette lettre. Tout de suite? Oui, le plus vite possible. Car dans cette ville toute pleine de plaisir, de joie et d'amour, dans cette ville souveraine, je ne ferai qu'un court séjour. J'y resterai 3 mois peut-être, or 3 mois c'est bien peu je crois, surtout quand on veut tout connaître, aussi je veux dans ces 3 mois. Je veux m'en fourrer jusque-là, je veux m'en fourrer jusque-là, porter la lettre à Metella, je veux m'en fourrer jusque-là, je veux m'en fourrer jusque-là, je veux m'en fourrer jusque-là, porter la lettre à Metella, je veux m'en fourrer jusque-là. En guise de plaisir, de joie et d'amour, le baron en sera pour ses frais. Surtout que tout commence assez mal au moment du banquet. Votre ami a craqué dans le dos. Dans le dos. Votre ami a craqué dans le dos. Dans le dos. Mon ami a craqué dans le dos. Dans le dos, et son habit a craqué, craqué dans le dos, dans le dos. Cela gâte ce beau costume. Ce sont là de nobles accros. Il pourrait attraper un rhume. Baron, c'est l'habit d'un verrou. Oui, mais son habit a craqué. Ah oh, bah son habit a craqué. Vraiment son habit a craqué. Ah oh, bah son habit a craqué. Il a craqué dans le dos. Comment son habit a craqué? Il a craqué. Il a craqué. Il a craqué. Il a craqué. Il a craqué. Il a craqué. Il a craqué. Il a craqué. Il a craqué. Il a craqué dans le dos. Votre ami a craqué, son ami a craqué dans le dos, dans le dos. Son ami a craqué dans le dos, dans le dos. Mon ami a craqué dans le dos, dans le dos. Oui, son ami a craqué, craqué dans le dos, oui, son ami a craqué. Il a craqué dans le dos. Il a craqué dans le dos. Quand on entend cette version savoureuse, on se dit que les comédiens, parfois, valent les chanteurs. Nous quittons maintenant la compagnie Renaud Barreau pour revenir à Offenbach et à la création de la vie parisienne. Jusqu'à la veille de la première, tout le monde s'inquiète. Meillac, Halévy, Plunkett, le directeur du Palais Royal. Tout le monde craint que la satire des mœurs ne soit trop visible et que les gens ne prennent assez mal la chose. Pourtant, le 31 octobre 1866, quand le rideau tombe à la fin de la représentation, les applaudissements n'en finissent plus. La vie parisienne est un grand succès, écrit un peu plus tard à Lévy dans ses souvenirs. Notre plus grand succès peut-être. La presse a été unanime, la partition est certainement une des meilleures d'Offenbach, les acteurs étaient excellents, les femmes charmantes, on abaissait tous les soirs le duo du Brésilien et le final du troisième acte. Voici pour finir ce matin ce final endiablé sous le signe du plaisir à perdre haleine, ah oui, voilà la vie parisienne, et pif et pif, et pif et pouf. En cherchant dans la ville, on trouve mais je crois quelques mésentres qui me plaisent des bons bourgeois. C'est dit que les personnages ne font pas comme nous. Ils disent qu'ils sont sages, nous disons qu'ils sont fous. C'était Les Grands Musiciens, Jacques Offenbach, par Laetitia Leguet, réalisation Marie-Rose Derouet, première diffusion sur France Culture le 29 décembre 1998. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.